je dois y parvenir. les hommes et leur mécanique s'en sont mêlés. Et les buildings de ciment se sont approchés. Toi qui me dis qu'il y avait là une ferme plantée dans la terre, un barbelé à refermer sur deux chevaux qui s'échappaient lorsqu'on oubliait. Et le soleil, et le soleil. Es-tu bien sûr que c'était là que des musiciens autrefois venaient pleurer le temps perdu à s'écouter chanter, et un oiseau s'envolera par la porte fracturée. Et le soleil, et le soleil. Les hommes et leur mécanique s'en sont mêlés. Thank you.